Bonjour, une petite vidéo improvisée. Bon, j'ai des problèmes avec ma boîte courriel, pas celle au nom de Berthold que je vois plus depuis des mois, mais celle qui est à mon nom. Je suis désolé, là, je l'ai vu que j'avais des problèmes avec, ça fait plusieurs semaines, les courriels rentrent pas. Même si j'ai payé là, pour plus d'espace. Je l'ai vu, notamment, c'est David Lévesque qui m'a envoyé quelque chose, puis je l'ai poursuivi. Donc, ma boîte courriel fonctionne pas. Désolé, là, s'il y en a qui ont voulu me rejoindre, vous pouvez par Skype. Ceux qui ont mon nom, là. Ça peut être plus simple comme ça. Bon, dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu donc? Il sort des affaires, les gens sont présentés, sont adeptes. Sont présentés comme adeptes du supramental. C'est quoi un adepte? Un adepte, c'est quelqu'un qui adhère à une doctrine ou à une religion. Donc, le supramental est en train de devenir une religion. Moi, je le vois de même. Ça va devenir une religion marginale, mais c'est en train de devenir une religion, ce dont moi, je ne veux absolument pas. Je ne veux rien savoir de ça. Je ne pourrais pas remplacer les racines du Canada français par ça. Ça ne marchera pas. Ça va juste rajouter. Ça va de faire des sectes de plus, c'est ça que ça va faire. C'est bien correct. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, à mes yeux, le supramental, c'est un phénomène. S'il y a des phénomènes. Ça n'a pas rapport avec. On ne peut pas être adepte d'eux. C'est comme si vous avez de temps en temps des céphalées. Si vous avez des migraines, est-ce qu'on va dire, ah, lui, elle, lui, c'est un adepte des migraines? Il y a de quoi qui ne marche pas là, avec ça. Puis aussi, bon, en tout cas, là, comme je vous dis, c'est une petite vidéo vite faite, improvisée. Je n'ai même pas pris le temps là, de regarder ce que j'allais dire. Mais moi, ça ne marche pas avec moi, dans le sens que je regarde ça, puis on le voit. On le voit. Bon, je parle pas par rapport à ceux qui font des soupers, puis ça a tout le temps été le cas. Il y en a tout le temps eu. C'est comme Sergio Poirier, donner des soupers, puis ça, c'est bien correct, là. Mais moi, c'est tout le côté. C'est ça. C'est en train de devenir une religion alternative, ou une alternative à la religion. Puis moi, j'adhère à rien. À rien. Je pourrais jamais être un adepte du supramental. Donc, il y a une différence si vous êtes obligé de monter une colline parce que vous n'avez pas le choix pour votre survie, puis si vous êtes un amateur d'alpinisme qui aime s'adonner à cette activité, c'est pas pareil. Donc, entre quelqu'un qui grimpe une côte parce qu'il n'a pas le choix, puis un adepte de quelque chose, ça marche pas de même. Les gens sont liés par des idées, puis après sont reliés par des doctrines, religarées, religions. C'est à des affaires de même que ça aboutit. Donc, moi personnellement, c'est pour ça qu'il y a des termes. Il y a des années de ça, je l'avais vu venir, puis j'avais dit, il y a des termes, j'emploierai plus. Même, je ne l'ai même pas employé le terme supramental. C'est quoi le contact le plus important? Le contact le plus important. Parce qu'à un moment donné, veut, veut pas, il y a un moment donné, il faut le réaliser que ça donne rien de parler avec eux autres, là, entre parenthèses. Le vrai, vrai contact, c'est celui qui fait que vous avez de la présence puis que vous êtes lucide. C'est le contact avec votre propre conscience. Le contact avec tout le reste, c'est superflu. C'est accessoire. C'est circonstanciel dans le sens de. Ben, ça fait partie d'un contexte, votre contexte psychique dans le fond. Donc, veux, veux pas, ben envie de me dissocier totalement de tout. Je reste que ça fait 6 ans que c'est ça que je fais. Mais là, c'est pour ça, ça va. On l'avait vu venir aussi, la vague qu'il allait avoir, dans le sens que quand j'ai commencé à en parler, il y avait Charles Sabourin, il y avait David Lévesque. Il n'y avait même pas en ligne les vidéos, les audios de cam, puis il n'y avait rien. Mais je le savais que ça allait revenir. Je le savais que ça allait revenir. Je le savais aussi que ça finirait par prendre des formes. Même BDM lui-même, il l'a dit, que ça, il y en a qui allaient en faire une religion. Au fond, moi, j'ai pas envie d'être les têtes, faire partie des têtes de ce qui vient. J'ai pas envie de faire partie de structures sociales liées à ça. Puis pourquoi? Parce que ça, c'est du cassage de tête. C'est un paquet de problèmes en perspective qui viennent. Notamment, il va y avoir des conflits, là. Je parle pas avec moi. Il va y avoir du conflit entre des gens, donc je m'inclus pas là-dedans. Parce que c'est sûr, bon, on l'a vu un peu, on a vu un échantillon. Parce que les gens, bon. Bernard, c'est une icône, fait qu'il se l'approprie. Tandis que moi, Bernard, je ne l'ai jamais aimé. C'est là, il y a une grosse différence. Même enfant, il me revenait pas. Ça veut pas dire que je l'aime pas. C'est juste que, au niveau de ma propre sensibilité, de mon propre discernement, moi, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps appris de me laisser pas mal. Puis je le sais que c'est pas la relation que la plupart des gens ont avec. C'est-à-dire c'est une relation, dans le fond, qui est sans discernement. C'est-à-dire que soit les gens le voient comme un avatar parfait, merveilleux, qui a apporté ci puis ça, soit les gens le voient comme un luciférien satanique, complètement dangereux, complètement fou. Alors qu'à mes yeux, c'est impossible. Il n'y a rien qui est si simple que ça. Il n'y a rien qui est si simple que ça au niveau des choses qu'il a abordées puis qu'il a apportées. Mais très habilement, il nous a été caché que d'autres l'avaient abordé aussi avant. L'affaire, c'est que c'est pas au Québec que ça avait été abordé, ces choses-là. Les Canadiens français sont pas très, au niveau de la culture générale, bon. Oui, il y a tout le temps des exceptions, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on a toutes les sectes imaginables au Québec. Toutes, là. Ils sont toutes là. Même dans des régions. Même dans les régions, vous avez des adeptes de Crowley. Vous avez des Rose-Croix, il y en a pas mal au Québec. Même si on parle juste les religions protestantes alternatives qui sont pas chrétiennes tant qu'à moi, mais qui servent du christianisme au niveau de la forme, comme les Jéhovites, il y en a partout. Cette espèce de cancer qui nous vient des États-Unis. L'affaire, c'est que on nous a fait miroiter que le Canada français avait un mandat. Pas dire une mission, qu'il y avait une destinée, puis bla bla bla bla bla bla. Ne soyons pas naïfs. Oui, c'est certain que on a une destinée puis tout, mais si on se met à se péter des cartoons avec des affaires qui viennent pas de nous, on est fait. On est fait. Puis regardez ce qu'il y a au Québec. Les dissidents. On parle des vrais dissidents respectables qui ont parlé tôt, puis qui l'ont fait bien, puis comme Serge Monod. Il reste Serge Monod, c'est un peu une mentalité qui vient des milices américaines. L'information était liée à des contacts, notamment dans le militaire, puis dans les milices. Si vous avez le docteur Gilbert, le docteur Gilbert, c'est un chrétien évangélique américain, dans le fond. Ça vient des États-Unis, ces mentalités-là. Le retour de la doctrine de l'enlèvement a commencé à s'ancrer aux États-Unis, puis c'est revenu au Québec par eux autres. Donc, toutes ces affaires-là, est-ce que ça fait vraiment partie? Oui, ça va avoir une influence, mais c'est quoi le mandat du Canada français? Puis moi, en tant qu'individu, je n'ai même pas à me poser ces questions-là. Je n'ai même pas à me poser ces questions-là. Tout se joue tellement au-delà de nous autres. De l'intellectualiser puis de le rationaliser, ça donnera rien. On va le savoir quand on va le vivre. C'est comme le reste. Mais moi, je pense que le docteur Gilbert, il va mourir comme tout le monde. Il sera pas enlevé avec son corps. C'est bien beau, la croyance puis l'espérance. C'est bien correct, mais c'est pas pareil. La foi en sens de fidélité à. dans le sens que là, c'est de l'espérance, oui, mais ça a pris des formes, que ça devient des doctrines, puis on peut parler des adeptes. Donc, il y a des adeptes de la doctrine de l'enlèvement. Moi, non. Dans le sens que je dis pas que c'est pas ça, je dis dans le sens que je compte pas là-dessus. Dans le sens que moi, je suis adepte d'être lucide, c'est tout. C'est pas une doctrine, ça. C'est pas une doctrine. Je suis dans une situation où j'ai quasiment jamais de temps. Où j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Où j'ai tout le temps des affaires à voir. J'ai tout le temps des choses à gérer. J'ai tout le temps quelque chose à faire. Puis j'arrive à j'arrive à un stade où il faut quelque part que je fasse un choix. Que je fasse un choix. Plus pas l'affaire du vibratoire, puis là, l'illusion du libre arbitre, puis tout. À un moment donné, il arrive à des points où, bon, le vibratoire, c'est égal des deux bords qu'on pourrait prendre. Moi, est-ce que je me consacre plus à véhiculer ça? Moi qui haïs la technologie, qui déteste ça. Jamais voulu autre chose qu'une vie tranquille qui espère rien. Même prenez, il y en a, bon, comme on va regarder les catholiques qui sont de bonne foi, là. Même si j'ai eu des accros puis ils sont de bonne foi, eux autres ils ont peur de l'enfer. Moi, j'ai même pas ce loisir là. J'ai même pas ce loisir là. Dans le sens que je m'en fous, puis c'est pas volontaire. Je suis comme ça. Parce que, au niveau de ma centricité, je peux pas me mettre à être adepte de, puis à penser que. Donc, il n'y a rien chez moi qui est basé sur ce genre de crainte-là. Dans le sens que, non, je cherche pas non plus ce qu'on peut voir dans un cas totalement opposé, totalement contraire du monde. Ils recherchent l'éternité, puis ils veulent vivre le plus longtemps. C'est pas mon cas non plus. J'ai arrivé à un point où ma propre vie, je considère qu'elle a une importance technique, mais je donne plus de valeur psychologiquement. C'est pas à moi de faire ça, ni aux autres non plus. C'est-à-dire les choses ont une valeur en soi au sens du contexte, puis de la mécanique, puis des conséquences de, puis bon, dans le sens que ma vie a une certaine importance, dans le sens qu'elle n'est pas inconséquente, tout est lié. Donc, ce que je fais, c'est sûr que ça a une certaine importance technique au niveau de la mécanique de ce qui se passe, au niveau de ce qu'est la vie humaine, dans, je pourrais dire, la superficie restreinte de mon action. Donc, tout ce que je voudrais, c'est une vie normale, le plus tranquille possible, avoir faire ce que je veux faire vibratoirement, sans avoir à le réfléchir ou à le penser. Puis un jour crever comme tout le monde, puis c'est tout. Mais le monde, tout est pas si simple. On vit dans un monde où tout est pas si simple. Dans le fond, je suis quelqu'un de bien bien simple, plus simple que le contexte. Puis il y a bien des affaires que je m'en fous, pourtant ça va se donner une importance, puis on n'aura pas le choix de jongler avec. Donc là, je suis devant l'affaire, c'est est-ce que je mets plus d'énergie là-dedans ou pas? Est-ce que je me consacre plus à ça? C'est ça qu'il faut que je fasse? Je le sais pas. C'est là au niveau du contact. Des affaires de même, il n'y a personne qui va venir vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Quand ça atteint des affaires de cette importance-là. Donc, c'est à moi d'avoir le discernement, de savoir ce que je fais. Mais là, l'affaire, là, ma boîte courriel ne marche pas. J'arrive pas à. J'ai réécrit à M. Mignot, mais je ne suis pas certain qu'il ait eu ma réponse. Il y a des gens, je pense, qui ont voulu me rejoindre, je pense, ne sont pas capables. Puis la technologie, il y a quelque chose qui fait que je suis pas bon là-dedans. On a chacun nos forces, chacun nos talents. Puis habituellement, on est bon dans ce qu'on aime, puis la technologie, j'aime pas ça. Puis je ne vais pas me mettre à l'aimer avec le temps. Je ne vais pas me mettre à l'aimer avec le temps parce que, entre autres, bon, J'ai mes raisons, je le sais à quoi ça sert. La force, c'est bon, faut aussi user des armes, entre guillemets, de l'ennemi. Mais jusqu'à un certain point, j'ai pas envie de. D'un autre côté, j'ai pas envie non plus de quémander du monde pour qui ont plus de talent que moi en technologie, pour qu'ils fassent une partie de la job à ma place. J'ai pas envie de réunir autour de moi une équipe. J'ai pas envie de faire comme d'autres ont fait. J'ai pas envie de faire que. Si vous prenez le cas comme Charles Sabourin, ben Charles Sabourin, il est calé dans ses affaires-là, il est capable de s'arranger, mais même là, il y a des collaborateurs. Donc, moi, j'ai pas envie de faire ça. C'est pas, j'ai pas le projet, pas ce profil-là, pas du tout. Pas du tout. Si on était dans un autre contexte, bon, probablement que j'aurais fini quelqu'un qui sort pas beaucoup, mais qu'on va voir. Mais là, non, on est à une époque où il faut que le mouvement soit dans tous les sens en même temps. Donc, il a fallu que je me prête à ça. Puis comme je vous dis, je suis rendu à un point où je me demande, est-ce que je m'investis plus? Puis je parle même pas du supramental. On va même, étant donné ce que c'est en train de devenir, il faut que ce soit un terme technique. Il faut que ce soit juste un terme technique, supramental. Il faut pas que ça devienne une doctrine. Faut pas que ça devienne une religion. Mais c'est ça qui va arriver pareil. Donc, quand je vous dis faut pas que ça devienne une doctrine, faut pas que ça devienne une religion, c'est à des individualités que je m'adresse. C'est à vous, en tant qu'individualité, en tant que conscience, de ne pas en faire une doctrine ni une religion. Parce que ça va en devenir une en parallèle. Vous pouvez être sûr de ça. Vous pouvez être sûr de ça. Moi, j'ai pas envie de me battre contre ça parce que je le sais que ça sert à rien. C'est-à-dire que les religions, c'est des programmations, ils ont un temps de vie, puis ils obéissent à des lois cycliques. C'est des phénomènes sociétaux, psychologiques, collectifs. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a rien à voir avec, bon, la conscience, comme on en parle. Donc, c'est pas moi qui va me battre contre ces affaires-là. Puis, j'ai pas de raison non plus, dans le sens où les gens font ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils soient respectés dans leur expérience. Donc, faut les laisser faire. C'est très difficile, quand on voit les certaines choses, de rien dire, puis dire, parce qu'on voit que ça donnera rien. Donc, faut que les gens vivent leur expérience, faut qu'ils l'intègrent leur expérience. Pour ça, faut qu'ils la soient dedans, faut qu'ils la vivent. Puis on n'a pas à s'objecter. D'aucune façon. Il faut laisser les choses se faire. Puis même si dans 5 ans, le supramental est rendu à dans des reportages de journalisme malhonnête, que toutes ces choses-là sont décriées comme des doctrines délirantes, dangereuses, qui servent à certaines personnes mal intentionnées à soutirer de l'argent, à faire avoir de l'influence, à bon. Il va falloir avoir le discernement, la capacité de se rendre compte que d'être capable de voir ça et dire ça n'a pas rapport avec moi. Ça n'a pas rapport avec ce dont on parle. Parce que sinon, on se ramasse comme dans le coude. C'est un peu comme Saint-Pierre là, qui se met à renier parce qu'il y a une foule autour qui dit hey, lui, je l'ai vu avec, il le connaissait, puis là tout d'un coup, non, non, non, je le connais pas. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas la conscience si ça nous a touchés d'une quelconque façon. L'affaire, c'est que ce que ça risque de devenir au niveau de la forme, il va falloir avoir le discernement de se rendre compte que c'est pas. Le problème, c'est que on dirait que certaines forces de récupération vont s'arranger pour discréditer certaines affaires. Donc, si oui, il y a des dérives, ces dérives-là vont servir de justificatif pour pointer du doigt puis discréditer des gens qui n'ont rien à voir avec ces dérives-là, des gens qui sont pas mal intentionnés, au contraire. L'affaire, l'hétérisation du mental, faut que ça se fasse par étapes, faut que ça soit progressif. Ce qui arrive d'un coup, ça peut prendre des années. à réintégrer, des fois même les dommages qu'ils ont faits. Ce type d'expérience-là peuvent être traumatisantes, puis il faut pas que ce soit comme ça. Moi, je vous parle de l'expérience, pas la doctrine. Puis, tu sais, c'est facile au niveau de l'intellect de jongler avec une doctrine, mais jongler avec l'expérience traumatique par rapport à des phénomènes qui ne sont pas intégrés encore par la conscience, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, on est dans un milieu d'extrêmement dangereux, extrêmement délicat. On touche à des choses extrêmement délicates. Je verrai plus tard, j'ai d'autres choses à dire. Le téléphone sonne. Bonne journée.